La légende de Noël. Des sanglots se mêlaient au crépitement des flammes. Je fixais le brasier et la colère empêchait mes larmes de couler. Tu as quelque chose à dire, Noël ? Il posa ses horribles petits yeux sur moi. Je sentis ma poitrine se serrer comme si une main de géant me pressait. J'ai baissé le regard. J'aime mieux ça. Maintenant, rentrez. L'après-midi fut épouvantable. On était condamnés à écouter Pahu en contemplant la danse des flammes. Mais le pire arriva à la récré de l'après-midi. Des soldats débarquèrent, les bras chargés de sacs débordants de jouets. Trop choqués pour réagir, on les a regardés les jeter dans le feu. Derrière la fenêtre de la classe, l'instructeur étincelait de malveillance. Il venait de brûler une part de nous. Et comme pour éviter qu'elle ne disparaisse trop vite, on s'est tous regroupés autour du bûcher. Après la classe, on est rentré chez nous, désespérés dans un village sans vie. Par habitude, je suis passé par l'atelier de maman. Une tornade avait emporté toutes nos créations. Et puis je les ai vus. Deux soldats de bois rescapés de la rafle des jouets. Le premier, face contre terre, avait les jambes coupées. Le second, le crâne fendu, était appuyé contre la boîte à outils de maman. Je n'en revenais pas. Avec eux, je pouvais recréer le duo de chevaliers préférés de Léna. Je m'appliquais trop à les réparer pour voir le temps passer et entendre maman entrer. Noël, qu'est-ce que tu fais ? Je prépare un super cadeau pour Léna. Tu te rends compte de ce qui pourrait t'arriver ? Mais le nouveau maître a brûlé nos jouets. Je sais. Tu sais ? Et ça ne te fait rien ? Bien sûr que si, mais ce qui se passe est compliqué. Ah bon ? Tu te rends compte de ce qu'on a perdu ? En plus, Léna, elle adore l'armée royale. Il devrait être content, ces quiches en flocons. Noël, le seigneur régent a interdit les jouets. On ne peut rien faire. Il faisait nuit depuis longtemps. J'étais allongé sur mon lit, le cerveau en ébullition lorsqu'on toqua. J'ai grogné. On s'éloigna. Après 5 bonnes minutes, j'ai entrouvert la porte. Le duo de soldats m'attendait, comme neuf, au garde-à-vous sur du papier accompagné d'une fine cordelette. Je suis sorti, en prétextant aller chercher de l'eau au puits, l'air faussement triste, le paquet caché sous ma cape. Je me suis faufilé jusqu'à la fenêtre de Léna. J'ai déposé le paquet sur le rebord, étoqué, et me suis éclipsé. Comment Léna va réagir en découvrant son cadeau ? Vous le saurez demain en écoutant le prochain épisode.